Discussion en conscience avec Olivier, ici David au micro. Alors, ça va bien, Olivier? Oui, mon cher David, on se retrouve après de longues années sans se parler. T'exagères un petit peu, là, ça fait quand même quelques mois, mais c'est vrai qu'un bon bout de temps a passé depuis la dernière fois que tu as réalisé avec moi un entretien pour ma chaîne YouTube sur Internet. Depuis ce temps-là, est-ce que tu as fait des prises de conscience particulières? Depuis ce temps-là, c'est une drôle de question, ça, des prises de conscience. Moi, je fais pas vraiment des prises de conscience, je fais pas mal juste vivre, là. Fait que, dans le fond, j'ai vécu depuis ce temps-là, puis en vivant, j'ai grandi, il m'est arrivé des choses. J'ai voyagé en Thaïlande faire un camp d'entraînement en boxe thaïlandaise. J'ai été malade là-bas, j'ai été malade en revenant. Puis là, maintenant, on a tous perdu nos jobs, les gens dans le domaine de l'entraînement, puis dans l'escalade, puis tout ça. Puis, à cause de ce phénomène-là qui se passe sur la Terre, qui a plusieurs raisons d'être, ben moi, je me sens extrêmement bien, car... Justement, pour clarifier, pour les gens qui vont écouter l'enregistrement, au moment où on parle, on est au mois de mars de l'année 2020, en pleine crise par rapport au coronavirus COVID-19. Donc, cette épidémie, que dis-je, cette pandémie mondiale qui affecte, qui chamboule totalement la société en Occident, avec une situation où ce que les gens se ramassent en quarantaine forcée à s'isoler. Donc, c'est du jamais vu sur le plan historique, là, une épidémie pareille là, à l'échelle internationale. Donc, je vais te laisser continuer sur le sujet. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, ça tape fort parce que on avait besoin de se faire taper fort. Tu sais, on va s'entendre que le développement de la conscience humaine sur ce channel de YouTube-là, ça a toujours été pas mal ça, le canal, là. Fait que présentement, individuellement, chacun vit des chocs. Certains vivent des chocs plus grands que d'autres pour plusieurs raisons. Mais présentement, on vit un choc à l'échelle mondiale, ce qui, tranquillement, va amener, je dirais, des changements majeurs dans la structure des choses par rapport à nos comportements, par rapport à nos travails, par rapport à tout ce qui englobe l'ancienne société capitaliste dans laquelle on vivait, qui, pour le moment, est arrêtée. Et je pense que beaucoup de gens, dans ce processus-là, vivent à la fois... un éveil de conscience, mais aussi certains vont vivre une certaine peur, une certaine panique. Les gens qui n'auront pas dépensé la conscience de la maladie, ils vont avoir beaucoup de misère à pouvoir se libérer complètement de la peur d'être malade. Donc, ça va affecter la physiologie humaine parce que j'en ai déjà parlé dans mes enregistrements passés. Le stress, c'est le facteur numéro un dans la baisse d'immunité. Donc, ceux qui vont avoir un centre de gravité suffisamment développé à travers la crise qu'on peut vivre sur notre planète présentement, ce que j'entends par centre de gravité, c'est d'être capable de se fier à nos capacités, de faire confiance que la vie, c'est toujours intelligent, puis de savoir qu'il faut juste rester vif, puis vigilant, puis de fonctionner avec intelligence, puis à la fois écouter ce qu'on se fait dire au niveau du gouvernement, mais utiliser notre discernement dans nos mouvements, car si on n'utilise pas notre discernement, on succombe à la peur, on succombe à la panique, puis on commet des comportements qui sont irrationnels, qui peuvent nous mettre en danger ou mettre d'autres personnes en danger. Fait que, tu sais, c'est vraiment important d'avoir, puis je pense qu'on est forcé à cause de la vibration qui est sur la Terre présentement, de développer une faculté d'observation du moment présent parce que tout présentement se passe dans le moment présent. Ça, c'est certain. Mais par rapport à ce virus, quel est l'impact psychique que ça peut avoir chez une personne qui se conscientise? Bien, premièrement, moi, depuis plusieurs années déjà, je vis un contact de façon permanente avec cet espace-temps-là, puis dû à des accidents, dû à des expériences très, très difficiles. Puis plus je développe l'intimité avec cette intériorité-là ou ce soi-là qui est en nous, qui est impermanent, pas impermanent plutôt, mais permanent, qui est toujours en conscience. Plus on vit ces chocs-là, plus on se rapproche de ça, plus on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe. De savoir si, bon, il faut agir d'une certaine façon ou agir d'une autre façon. Puis, je pense qu'on est en train de vivre une accélération du processus. Donc, ceux qui ont déjà la spark ou le feu en eux, qui ont déjà une certaine intensité, je pense que c'est ces gens-là qui vont devoir de plus en plus se mouvoir. Puis je pense que par la force des choses, ils vont se mouvoir dans des relations d'aide, dans des supports, parce que essentiellement, si quelqu'un vit une certaine conscience, il devrait être multidisciplinaire. Tu sais, dans des situations de crise, il va avoir la vibration d'agir de différentes façons. Donc, ces gens-là vont être très, très utiles dans les temps à venir pour pouvoir justement servir de pôle pour les gens dans leur environnement, pour être capable justement d'avoir les villes pour que tout se contienne. Parce que si on avait une population de gens en panique et on n'avait pas de gens qui seraient centrés, les gens perdraient la tête. Ça serait comme la folie du papier de toilette qu'on a eu au Québec. Oui, oui, il a manqué des rouleaux de papier de toilette là, dans plusieurs supermarchés. Là. Ben oui, puis ça, c'est un phénomène qui est très simple à expliquer. Si tu la regardes au niveau occulte, il y a une personne qui panique, qui achète du papier de toilette parce que cette vibration-là qu'elle avait au moment, c'était ce qu'elle avait besoin du papier de toilette pour sa maison, mais elle est tombée en panique. Mm-hmm. Donc, elle a acheté une quantité, puis ça l'a fait effet boule de neige comme un virus. C'est comme si tout le monde a vu ça. Puis là, quand le monde a vu le papier de toilette baisser à vue d'œil, ils ont dit, ben là, il faut que j'en achète moi aussi. Puis là, c'est parti, là. Par contre, moi, j'ai pas de jugement à faire sur l'intelligence ou non de ce mouvement-là, mais ça démontre clairement un mental qui fonctionne de façon irrationnelle va produire des comportements qui ne seront pas nécessairement utiles. Parce qu'une personne qui aurait eu un petit peu d'intelligence puis qui aurait été en panique dans une épicerie, il aurait acheté ce qui est essentiel pour sa survie. Donc, ben, quoi qu'il y a eu de la farine de puis des patates aussi, là, qu'il y a eu des baisses d'inventaire, là. Oui, il y a des baisses d'inventaire, mais ça l'a pas répertorié sur les médias sociaux aussi fort que le papier de toilette. Ouais, ben c'est ça. Le papier de toilette, c'était comme, voyons donc, tu sais, c'est pas la chose la plus essentielle. On s'entend que c'est pas le fun de pas en avoir. Ouais. Mais il y a des possibilités autres qui existent, là. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est pas essentiel. Par contre, ça parle de notre civilisation qui est centrée sur le confort. Tu sais, d'aller se torcher le derrière avec quelque chose de confortable au lieu du papier journal comme nos ancêtres, il y a une notion là-dedans. C'est comme la personne veut se rattacher au confort derrière ça. Oui. Puis moi, je veux dire à la population qui va écouter ça, parce que peut-être que le monde va avoir le temps d'écouter nos crises d'enregistrement maintenant. Ben oui, il y a plein de monde qui ne travaille pas présentement. Bon, fait que, tu sais, moi, ce que je tiens à dire là-dedans, là, c'est prenez le temps, genre, de juste regarder ce qui se passe. Tu sais, c'est quoi le mouvement? Le monde, il panique. Court à gauche puis à droite chez Costco. Tu sais, j'étais chez Costco avec mon père l'autre soir. Là. Ouais. Puis l'autre après-midi, excuse-moi, avec sa nouvelle conjointe Francine que j'adore. Puis dans le fond, tu sentais la tension dans le monde, mais en même temps, tu sentais qu'il était comme un peu genre « What the fuck is going on? » Puis ça l'arrête le temps. Puis là, le temps est arrêté. Puis c'est comme si les gens faisaient un trip d'acide. Tout le monde est comme pété, là, sont genre c'est-tu vrai là ou c'est une... ils sont pas capables d'encore. Fait qu'il y a un petit peu de panique. Ben, il y a une difficulté d'intégration de l'événement là, tu sais, je discutais aujourd'hui avec une fille puis elle se pensait qu'elle était dans un film là, elle dit ça se peut pas. On est dans un film. Ouais, mais Chris, fallait s'en attendre là, tu sais, à faire des films de pandémie tout le temps puis des chaos puis des c'est ça qu'on aime les humains, les histoires d'horreur. Fait qu'on en a une histoire d'horreur puis là on se plaint. Ah non! Mais profitez-en donc. C'est quoi le problème de te coucher à l'heure que tu veux, te lever à l'heure que tu veux, faire de la bonne bouffe chez vous tranquille, aller marcher dehors, faire un peu d'exercice? Kiff! Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Mais là, c'est la... Oh ouais, mais mon argent, ton argent, ça n'existera plus. Ben, nous affolons pas, là. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la fin du système économique, là. C'est peut-être une crise passagère sur la bourse, comme qu'il y en a déjà eu avec l'éclatement de la Moi, je tiens à te dire, là, que j'ai commencé à voir une action par rapport à l'arrêt d'utiliser les billets de banque. Ça, c'est jamais bon, ça. Parce que quand tu ne peux plus utiliser des billets de banque, de l'argent est obligé de rester dans ton compte. Puis là, t'as moins de latitude un petit peu. Fait que, tu sais, faut faire attention de voir où est-ce que ça s'en va. Moi, je pense pas, je tombe dans aucune paranoïa de théorie de conspiration, mais je peux dire avec certitude que faut être vigilant, tu sais. C'est comme faire attention, là, parce que l'argent comme ça, là, ça peut changer, parce qu'à un moment donné, énergétiquement, l'argent, s'il y en a pas, ou je sais pas trop quoi, on va trouver une méthode d'échange différente qui va être supérieure à ça parce que, tu sais, veux, veux pas, depuis qu'on est ici, on évolue tout le temps. Non, exactement. C'est sûr que l'argent, en ce qui me concerne, je l'aperçois comme étant une forme transitoire vers autre chose, au même titre que le troc dans le passé en était une. Exact. Par contre, moi, la finalité que je vois, c'est qu'éventuellement, les gens conscients auront des échanges entre eux, mais ça va être vibratoire. Ils vont faire quelque chose pour une autre personne, comme un massage ou échanger ça contre de la nourriture ou peu importe, mais ça va être fait sous la vibration. Mais ça, c'est dans un lointain futur, là. C'est pas nécessairement à court terme de mon point de vue. Ouais, mais je suis d'accord avec toi totalement, mais ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que toutes les formes sont en avant de nous autres. Ça veut dire que les autos sont là, tout est disponible, mais tout est comme privatisé, tout est de façon séclue, tu sais, fermée. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, ce que moi je vois présentement, c'est beaucoup de dons, tu sais. Genre, je vais à mon travail tantôt, puis ma boss, elle me dit, hey, j'ai plein de légumes périssables, là, tu veux-tu les prendre? J'ai eu genre pour à peu près 150 pièces de fruits et de légumes. Tu sais, c'est le fun, ça. Puis moi, je suis allé en donner à d'autres personnes. Je suis allé en donner à une de mes amies, puis à un de mes voisins. Puis c'était le fun parce que justement, tu sais, c'est comme un moment de partage. Puis moi, ce que je sens, c'est que les gens dans l'environnement autour, de façon proche, sont pas inquiets que tu les rendes malades. On n'est pas rendu à la paranoïa, genre de « parle-moi pas à travers la... » Parle-moi pas en pleine face, là, faut que je reste en arrière de ma porte. Quoi qu'il y en a qui sont comme ça présentement à cause de la peur d'attraper le coronavirus. Oui, mais si tu as peur d'attraper le coronavirus, là, tu magnétises le coronavirus. Fait que il faut pas te mettre. Écoute, on a oublié qu'est-ce qu'on était. T'sais, c'est ça le problème. Moi, heureusement ou malheureusement, je pourrais dire, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis justement de sortir de l'eau. Comme si un poisson était dans l'eau, là. Mm-hmm. Puis tu sors de l'eau. Mais moi, quand on m'a sorti de l'eau, j'ai réalisé que ben, même si le corps matériel il meurt, la vie, c'est pas fini. Non, mais tout comme toi, j'ai une compréhension multidimensionnelle de l'être humain qui ne s'arrête pas à la dimension physique. Par contre, le point en lien avec ça, c'est qu'il y a quand même une menace qui est là de coronavirus. Puis tu sais, une personne consciente peut être malade. Si on pense à Bernard de Montréal qui avait attrapé, entre autres, le cancer. Donc, pour moi... Non. Il n'a pas attrapé le cancer. Il a développé un cancer dans le système digestif à cause que ça faisait partie de sa programmation puis de ce qu'il devait vivre. Il n'y a pas personne qui attrape le cancer. Il n'y a personne qui attrape le coronavirus parce que nous, on voit une molécule qu'on appelle un virus. Mm-hmm. Mais essentiellement, c'est un mal-être physiologique dans les centres d'énergie de l'individu. C'est, en ce moment, c'est parce que c'est ça qu'on faut pas oublier, là, c'est que la Terre, là, c'est la dernière forme de manifestation dans la plus basse vibration qu'on appelle la matière. Ah oui, c'est sûr qu'en lien avec ça, le corps astral, par exemple, l'individu énergétique peut déjà être fragilisé, qui laisse la place au développement d'un problème de santé. Oui. Juste une petite décharge d'énergie comme ça sur le globe, là, puis tout est chaviré à l'envers. Là, ça se manifeste à travers une maladie parce que les gens, quand ils sont malades, là, quand ils sont pas bien plutôt, là, quand le corps se sent pas bien, ils appellent ça de la maladie. Mais c'est pas de la maladie. Oui, c'est un virus. Oui, on peut le mettre en laboratoire. Oui, scientifiquement, il existe un vaccin. Je parle pas de ça. Là. Je dis pas que ça existe pas. Ça existe. Mm-hmm. Je dis juste que derrière ça, ce qui se passe dans la réalité de l'individu quand il est malade, c'est un processus de transmutation. Ça veut rien dire, ça, pour quelqu'un qui fonctionne avec un intellect, c'est normal, parce que il est pas capable de mettre des mots là-dessus parce qu'il se sent pas. Il faut se sentir. Quand tu vis une maladie, tu te sens. Cette souffrance-là t'amène à devenir de plus en plus fort. Puis il y a des gens, quand ils vivent un changement comme ça, majeur dans le corps, dans sa physiologie, parce qu'il y a un nouveau stress qui rentre, puis le système adaptatif, le système nerveux, le système immunitaire est pas suffisamment fort, ben la personne est attaquée de différentes intensités. Parce qu'on a entendu, moi j'ai fait plusieurs recherches, j'ai vu que certaines personnes peuvent être contaminées par le virus, testées positives, présenter aucun symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la vitalité puis la puissance dans l'énergie de leur système nerveux de vivre aucun symptôme face à l'intensité de ce virus-là. Comme il y a d'autres personnes qui vont aller jusqu'à mourir puis avoir des arrêts cardio-respiratoires. Donc, exactement. Mais c'est sûr que tout est reçu selon la forme du récipient, là. dans le sens que si la personne est déjà fragilisée parce qu'elle a des problèmes respiratoires ou elle a un système immunitaire qui est faible ou une maladie grave, ben c'est sûr qu'elle est plus à risque d'y passer. Ben oui. Puis tu sais, sans avoir l'air là d'une personne qui est sans compassion et sans empathie, il n'y a personne qui est en train de se faire mettre dans un four à gaz. Il n'y a personne qui est en train de se faire exécuter à bout portant, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, par les SS. Il n'y a pas de meurtre à outrance. C'est un virus qui contamine certaines personnes, puis malgré les efforts de bon cœur de plein de médecins, de plein de personnes qui essayent le mieux pour l'individu, la personne peut mourir. Donc, éventuellement, il va falloir arrêter de se culpabiliser constamment, puis de penser qu'on est Dieu, puis qu'on contrôle le mouvement évolutif de la Terre, mais aussi de la conscience humaine, puis de commencer à s'ajuster, à regarder, à observer, puis à commencer à contempler la perfection du processus en mouvement, puis d'arrêter de se battre avec. Parce que la seule raison pourquoi le monde a peur, puis ils souffrent, c'est qu'ils ne sont pas capables d'accepter le réel. Puis le réel, là, c'est quand tu te lèves le matin, puis tu ouvres les yeux, c'est ça le réel. Mais nous autres, on est tellement dans la pensée, puis on pense tellement à notre futur, puis à nos ambitions, puis à nos amis, puis à ci, puis à ça, qu'on est hors du réel, au-delà du réel. Ouais, c'est ça. Mais une des réalités, c'est qu'il y a de la vie de certaines personnes qui est présentement en danger. Si on pense aux plus vulnérables de notre société, qui ont déjà, par exemple, des problèmes pulmonaires ou autres. Non, mais il était déjà en danger. Oui, exact. C'est sûr que, dans le fond, Quand tu es en danger, là, puis tu es inconscient, ben, c'est dommage, mais si tu n'as pas des gens dans ton environnement pour t'éduquer, puis surtout si tu as une tête dure, puis tu ne veux pas te faire éduquer, parce que faire attention, là, mais en général, les gens malades, c'est des gens qui ont demandé de l'aide ou que certaines personnes leur ont offert de l'aide. S'ils sont encore malades, c'est qu'ils ont fonctionné selon leur propre décisionnel. Si leur décisionnel les amène à mourir Mais je d'une n'irai pas à certaine maladie. généraliser. Ce que tu dis, c'est réel par rapport à certaines personnes qui sont orgueilleuses puis entêtées, mais... Mais écoute bien, man, là, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas des gens chanceux puis pas chanceux. Là. La vie, c'est Ah intelligent. non, non, Ça je veut dire crois quoi? pas, je crois pas au hasard. Sauf que le point, c'est que de ma perspective, c'est pas juste une question d'entêtement de l'ego qui va faire que la personne va être malade, tu sais. J'ai pas dit que c'était de l'entêtement de l'ego. J'ai dit que l'entêtement ou l'orgueil ou ce qui voile la capacité d'intégrer de la nouvelle information, c'est une certaine crainte du changement. Mais la personne, si elle a des habitudes de vie qui sont nocives pour elle, puis que les gens lui disent autour d'elle, tu devrais acquiescer à un certain changement, puis que cette personne-là n'est pas capable de le générer, le changement, parce qu'elle n'a pas la volonté, ben écoute, je ne peux pas me sentir coupable de ça, là. Non, certainement. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont ramassés dans le pétrin. T'sais. Si la personne elle fume continuellement la cigarette, puis elle se ramasse avec des problèmes pulmonaires qui la rend plus vulnérable au virus parce qu'il s'attaque à la dimension respiratoire. Même pas une question de cigarette. Je fumais un paquet par jour de cigarettes pendant que j'étais en Thaïlande, pendant que je faisais cet entraînement-là, puis j'ai pas eu de la misère à finir mes entraînements. Ben, Sais-tu ça. qu'est-ce qu'il fait? Tu Oui. respires à 25% de ta capacité, OK? T'es là-bas, là, il fait 35 degrés Celsius à tous les jours avec le gros soleil plombant, l'humidité, puis la pollution, là. La pollution qui est à peu près 18 fois plus élevée qu'ici. Puis je fumais des cigarettes parce que quand je suis dans une place comme ça, où est-ce que je ne peux pas travailler, où est-ce que c'est dur d'avoir des liens avec les gens, parce que les gens sont comme dans un mode voyageur-famille, puis tu sens pas beaucoup d'ouverture. Les Thaïlandais, je les aime, les Thaïlandais, mais les Thaïlandais, ils ont une certaine forme de ségrégation, dans le sens qu'ils ne vont pas t'incorporer dans leur vie, parce que tu n'es pas Thaï, puis tu ne parles pas Thaï. Fait que toutes ces conditions-là, là, extrêmement difficiles à vivre. Puis, mon système est fort. Fait que ça dépend des personnes. Il y a des gens que fumer une cigarette, ça va leur rendre un problème pulmonaire. Puis, il y a des gens qui vont fumer 8 paquets de cigarettes par jour, j'exagère, bien sûr. Puis, ils vont fonctionner parfaitement. Puis, c'est ça qu'il faut étudier. Il ne faut pas dire la cigarette, c'est bon ou c'est pas bon. Il faut juste regarder comment ça se fait qu'il y a du monde qui peuvent faire certaines choses, puis d'autres qui peuvent pas. Oui, il y a des Puis, comment ça. variations. Il y a des variations pour du cas par cas, mais en général, avec des études longitudinales sur des grands Mais là, volumes. en général, ça donnera jamais d'informations précises parce que la vie, c'est pas en général, la vie, c'est précis. D'accord avec toi. Le général concerne les masses. C'est sûr que sur le plan individuel, c'est du cas par cas, puis il y a des variables, qui échappent à ces généralités-là. Ça, c'est sûr. En effet. Ouais, fait que c'est ça, tu sais. Mais pose-moi une autre question par rapport à ça, là. Une Oui. question un petit peu plus complexe. OK, ben présentement, les gens, beaucoup de personnes, que ce soit au Québec ou dans d'autres pays, se ramassent dans une position de confinement. C'est-à-dire une position où ils sont arrêtés, ils sont mis en quarantaine malgré eux, sans que l'ego les choisisse. Et par rapport à toi, ce type d'expérience-là, ça peut avoir quel impact sur les individus confrontés à vivre ça? Ben premièrement, est-ce que ça va avoir comme impact? Bon, si on parle d'une, on va recommencer avec la famille puis on va descendre à partir de OK. là. On va prendre une famille, une femme avec un homme puis deux enfants. Bon, les enfants vont plus à l'école, les parents travaillent plus. Bon, on va s'adonner que tout est de même, ok? Puis là, il y a plus de rentrée d'argent. Dépendamment de la conscience des parents, puis dépendamment de la relation avec leurs enfants. Ils vont vivre une expérience qui va être très harmonieuse ou extrêmement désagréable. Dans les deux cas, si c'est extrêmement harmonieux, ça veut dire que leur relation était déjà ajustée, puis il y avait déjà de l'harmonie dans l'ordre familial. Donc, eux, ils vont vivre une expérience qui va être très agréable. Ils vont se connecter, ils vont se rapprocher. Les parents vont enseigner à leurs enfants parce qu'ils vont avoir du temps, puis ça va être le fun pour eux autres d'enseigner à leurs enfants. Par contre, il y a des gens qui ont des relations amoureuses qui sont basées sur des croyances de comment vivre, puis ont également des familles à cause que c'est le temps à tel âge d'avoir une famille. Ben ces gens-là qui n'ont pas eu des familles ou des couples qui étaient ajustés, basés selon leurs besoins à eux, ils vont vivre des gros chocs. Ils vont être capables d'éventuellement réaliser que peut-être qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre, ou ils vont vivre des conflits qui vont les amener à se rapprocher. Fait que ça va dépendre encore une fois de la conscience du couple, de la conscience de la famille, si ces personnes-là vont se rapprocher, vont s'enrichir, vont grandir, ou si ils vont se séparer puis vivre des conflits. Au niveau des personnes individuelles, comme moi par exemple, moi je vis seul, mais je suis loin d'être seul. Ben moi dans ma situation, je suis obligé de te dire que c'est de l'extase absolue. Tu sais, c'est comme moi enfin tout le monde prend un break parce que moi ça fait des années que je suis dans le domaine de l'entraînement, des années que je suis dans le domaine de l'aide humaine au niveau de la psychologie, au niveau du massage, au niveau des exercices de renforcement, au niveau de tout ce qui a trait à l'être humain en général. Fait que moi le cœur de mon message depuis des années, malgré le fait que je suis intense dans ma parole puis que je peux parler fort puis sacré, c'est prenez ça relax, puis arrêtez de vous prendre au sérieux. Puis là, la vie tape exactement dans ce cadre-là. Ça veut dire que là, la vie te force à arrêter de te prendre au sérieux, arrêter de courir dans toutes les directions possibles. Puis ça va créer énormément de détresse psychologique chez beaucoup de gens parce que les gens, ils se sont étourdis pendant des années dans des jobs, dans des relations sexuelles, dans des relations d'amitié qui sont malsaines. Puis là, ils vont frapper un mur parce qu'ils vont être obligés de réaliser c'est qui est vraiment essentiel dans leur vie. Puis en réalisant ça va leur créer des grands chocs, des grandes peines. Puis éventuellement, certains vont être capables d'en sortir. Puis d'autres n'en sortiront pas. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont devenir fous. Il va y avoir toutes sortes de cas qu'on va pouvoir voir. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est une accélération du processus énergétique des changements majeurs qui se passent dans la conscience humaine individuelle, mais aussi au niveau planétaire. Fait que c'est sûr que dans un processus comme ça, toutes les gens qui se conscientisent, pas parce qu'ils font des exercices puis qu'ils lisent des livres, mais que ça leur arrive malgré eux, peuvent dire que en ce moment, on vit une élévation vibratoire importante qui déstabilise la structure conceptuel qu'on avait d'une société et aussi la société en matériel. Donc, il va y avoir une nouvelle civilisation qui va émerger après ça. Quand je dis ça, faut pas partir en peur, là, de penser que ça va être drastiquement différent, mais il va y avoir des différences majeures. Puis, il va y avoir des conditions différentes parce que le peuple ayant été isolé aussi longtemps, parce que moi, je le vois pas sur deux Ben là, semaines. ben c'est ça, j'allais en venir, là. C'est parce qu'il y en a qui parlent de 2 semaines, d'autres un mois, il y en a qui parlent jusqu'à La l'automne seule prochain. raison pourquoi on Oui. parle de 2 semaines puis d'un mois puis de ces affaires-là, c'est parce qu'on a tellement peur que ça dure plus que ça qu'on essaie de se faire à croire que ça va durer ça. Mais ça durera pas ça. OK? Je vous le dis tout de suite. Si vous écoutez des enregistrements comme ça, vous devriez avoir un certain centre de gravité peut-être capable de contenir que ça va durer probablement un an. Bon, moi, j'irai pas jusque-là, là, tu sais. En ce qui me concerne, je ferai pas de prophétie là-dessus. Mais toi, tu vois que de ce que tu ressens, c'est que ça aurait une durée plus grande, puis là, on aurait tendance à sous-estimer, là. Parce que cette forme-là d'isolation, si elle dure jusqu'à au mois de septembre, parce que c'est sûr que les écoles ne vont pas réouvrir, ça ne serait pas intelligent de faire ça vu l'augmentation des cas et des décès. Les écoles étant vraiment, vraiment, vraiment pas importantes en termes d'essentialité, même si l'éducation, c'est important, oui, mais l'école en soi, c'est pas nécessairement d'importance majeure. Les lieux publics non plus, les bars, les gyms, c'est pas important dans le sens que oui, c'est important. Moi, j'apprécie aller m'entraîner, j'apprécie toutes ces choses-là, mais si on le regarde objectivement, c'est pas une nécessité. On peut faire de l'exercice dehors, on peut, tu sais, il existe autre chose. On n'a pas vécu avec des gyms pendant des milliers d'années, puis on a survécu. Non, non, Donc, exactement. Ouais. ces fermetures-là, même si ça réouvre, ça va réouvrir très, très tranquillement. Fait que le redécollage économique va prendre un certain nombre de temps. Fait que c'est pour ça que quand je dis un an, ça veut-tu dire un an, on va être enfermé dans nos maisons ou un an avant que ça reparte? Ben, de toute façon, ça n'a aucune importance pour moi. Puis je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait de la prophétie. Non, moi, j'en veux pas. En fait, le Ça sert point. à rien. Ça Non, sert à rien. exact. L'important, c'est d'être centrique. Si t'es centrique, là, centrique, ce que je veux dire par centrique, ça veut dire si t'es bien dans ta peau, là, puis t'es en confiance de tes moyens, tu vas être bien correct, là. Il n'y en a pas de problème. Ouais, ben, quoique pour les gens qui ont des enfants, à différence de nous deux, c'est des casse-têtes. Tu sais, ils Mais ont oui, pas mais la. tabarnak, c'est ça qu'ils voulaient. Écoute, moi, là, il y a une raison pourquoi j'ai pas d'enfant et je suis célibataire. C'est pas parce que je suis un homme qui est pas attirant physiquement ou qu'une femme voudrait pas avoir un enfant avec. C'est parce que ça fait des années que je le sais que c'est pas le temps. Fait que c'est pas le temps. Je le sais que c'est pas le temps. Mon corps, il me prévient de faire certaines affaires. Donc, ceux qui ont des enfants, ça fait partie de leur expérience, puis il y a un bienfait à avoir des enfants énormes. Écoute, c'est une belle. Les enfants, moi, j'adore les enfants. Mais oui, ça vient avec des grandes responsabilités. Donc, c'est sûr que ça complexifie la donne au niveau des mouvements sociaux, culturels présentement, en effet. C'est assez difficile. Mais, comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont du fun avec leurs enfants, là. C'est pas tout le monde qui déteste les enfants et qui Non, non, veulent mais c'est parce que travailler. le point que je voulais en venir, c'est que, tu sais, rapidement. Il y a des parents qui se ramassent sans avoir la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Fait que là, soit qu'ils amènent les enfants au bureau avec eux autres, ou soit qu'ils prennent des journées de congé pour rester à la maison, mais les journées de congé, ils n'en ont pas des millions non plus, là. Tu sais, ça a ses limites aussi, là. Fait Oh, que mais ils n'en ont pas des millions, t'en as pas de besoin. ben là, c'est parce que si les enfants restent mettons, chez eux jusqu'à l'automne pour reprendre l'école, ils vont en avoir besoin là, de journées de congé pour Écoute, s'occuper si des on était enfants. moindrement centrique présentement, là, on n'irait pas travailler aucun autre job que des épiceries, des dépanneurs, des stations-service puis des affaires de même. Puis si tu penses en ce moment qu'il est chez Archambault à écouter des CD, et honnêtement, là, je veux pas être plate, mais peut-être que certaines personnes vont beaucoup dans les magasins pour acheter des choses qu'ils ont besoin pour s'enfermer, ça c'est vrai. Mais c'est loin d'être essentiel d'aller s'acheter une nouvelle paire de souliers présentement. Tu vas faire quoi avec ta paire de souliers? Tu vas impressionner qui, là? Non, mais tu sais, tu as ton sac à main Louis Vuitton que tu viens d'acheter, là, tu vas faire quoi? Tu vas prendre 200 photos, puis tu vas les mettre sur Instagram puis Facebook. Le monde, il s'en fout. Le monde, ils veulent savoir, je vais-tu être correct financièrement? Je vais-tu être correct au niveau de ma santé? Fait qu'il y a des affaires qui sont vouées à fermer, là. Ah, c'est sûr, là. Puis là, on en revient aux besoins de base. Si on pense à la pyramide de Maslow, Ben oui. elle a été ébranlée pour plusieurs personnes. Puis là, c'est la survie. C'est la question de savoir est-ce que la personne va retrouver son emploi après la période de quarantaine ou non. Ces personnes à travailler en PME, petite et moyenne entreprise, et il y en a sans doute beaucoup qui vont fermer par la suite faute de liquidités, de clients, de revenus. Écoute, mon cher David, je vais te dire une chose, OK? Oui. Moi, présentement, sais-tu qu'est-ce que je devrais être en train de faire, là, au lieu de me pogner le bec chez nous, là? Ouais. Je devrais être dans des bureaux de psychologie puis aider des psychologues à traiter des cas de gens qui sont en panique parce que ça, c'est dans ce quoi j'excelle le plus. Moi, j'ai jamais eu besoin d'aller à l'université pour apprendre la psychologie humaine. Moi, j'ai été frappé au cerveau, là. Puis quand je me suis réveillé de ça après être mort, là, Ben, j'ai compris comment ça marche, l'être humain. Fait que, puis les gens. Ben, ça t'étais dans pousse. Le coma. Tu sais, t'as pas. J'ai pas été dans le coma. Ben, je veux dire, t'as pas vécu une expérience de mort imminente, là. Oui. OK. Fait que c'est ça qui arrive. Puis les gens, justement, ils font comme toi. Ils vont dire ah non, t'as pas fait ça, non, t'as pas vécu ça, non, tu peux pas le prouver. Mais essentiellement, la personne qui l'a vécu, c'est moi. Donc, la personne qui sait c'est quoi l'expérience, c'est moi. Puis moi, j'en ai rien à foutre que le monde autour de moi dise t'es un petit Joe connaissant, tu penses que t'as compris. Il n'y a pas personne dans mon environnement proche, OK, mes meilleurs amis, mes parents qui peuvent dire que ce que j'ai dit depuis 3 ans, il n'y a rien. Tout s'est passé comme je l'ai dit. Pas parce que moi, je suis quelqu'un de meilleur que les autres. C'est juste que je me permets puis je me donne le droit de prendre le risque de dire des choses qui peut-être sont pas, ils vont pas s'avérer être réelles, mais au moins je les parle. Puis en étant avec des gens intelligents dans mon environnement, comme mon père, comme Francine, comme Marie-Jeanne, comme toi, avec qui on peut parler de façon intelligente, ben ça nous permet justement de pouvoir se réajuster. Fait que si moi je fais un faux pas, j'ai des gens intelligents qui sont capables de dire « Hey, t'as-tu pensé à ça, toi? » Puis à travers les années, on est devenus intelligents ensemble. Puis c'est pour ça que je pense que les gens dans nos environnements avec lesquels on a le plus de liens, c'est les gens avec qui on est plus sans même résonance, puis on est capable justement de passer au travers des épreuves comme ça, puis de sentir un certain bien-être en même temps. Oui, oui, les gens qui sont plus sur la même longueur d'onde que nous. Sinon, Bernard de Montréal disait « On n'est pas intelligent tout seul. » Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, je voulais quand même revenir sur la pandémie parce que c'est un événement sans précédent et toute la civilisation présentement a été ébranlée. À la fois les structures économiques avec la chute des indices boursiers, que ce soit Dow Jones, SP500, à la fois au niveau gouvernemental, le gouvernement qui est obligé rapidement de fermer les frontières, ensuite mettre en place des mesures très draconiennes là, qu'on n'a jamais vues au Québec, empêcher les rassemblements de 250 personnes et plus, 50 personnes et plus récemment, puis à un moment donné, ben, on ne pourra peut-être même plus se rencontrer individuellement, là, t'sais. Ça, c'est de plus en plus strict, contraignant, restreignant, puis s'il n'y aurait pas eu de pandémie, on aurait parlé aux gens il y a 6 mois de tout ça, qu'il allait avoir toute cette situation-là, puis les mesures, quasiment des mesures de guerre. Les gens auraient dit ça se peut pas qu'il va arriver ça. T'sais, ça se peut pas qu'à un moment donné, on va être rendu dans une situation où on ne pourra plus aller voir les personnes âgées dans les CHSLD. Une situation par la suite où le hockey va être arrêté, le football, tous les sports de masse. On ne l'aurait pas cru il y a 6 mois. Fait que c'est on ne l'aurait pas cru parce qu'on n'a pas de voyance. À cause qu'on n'a pas de voyance, on n'est pas capable de voir la vibration derrière les événements, puis où est-ce que cette vibration-là, où est-ce que ce pattern-là s'en va. Les gens qui ont une certaine sensibilité, ils sont capables de sentir qu'il y avait quelque chose qui se préparait dans l'air. Écoute, moi, ça fait 2 mois là, que je fais de l'overtime, là. Puis je me demandais pourquoi, puis là, j'ai fait « Ah, OK ». Mais l'overtime dans le sens du temps supplémentaire au travail ou? Non, de l'overtime dans ma tête. OK, de la réflexion. Non, pas de réflexion, mais d'expérience difficile, de choc physique, de choc mental. Ah, ben, tu as fait ton voyage en Thaïlande, c'est sûr que tu as été exposé à du choc. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Même avant ça, moi, financièrement, je me laissais pas le droit de me permettre de faire des choses de quelles je voulais vraiment les faire. Fait que, ça a été un grand coup de prendre le risque d'aller là, surtout dans la situation où le virus commençait. Financièrement, j'étais pas sûr que j'allais être correct. Fait que tout ça, ça va être préparé à construire justement un système nerveux qui est un petit peu plus fort qu'il était, puis de faire face justement à des événements qui sont de plus en plus complexes. Comme là, on vit des événements complexes. Moi, personnellement, je trouve pas ça complexe parce que je vis dans le moment présent, puis à cause que beaucoup de gens qui sont forcés autour de moi à vivre dans le moment présent, on a une expérience qui est beaucoup plus fluide puis beaucoup plus agréable. Il n'y a pas de lourdeur. Il y a beaucoup moins de lourdeur. Il y a beaucoup plus d'espace dans l'air. Il y a beaucoup plus de d'harmonie. Ben, c'est parce que ça dépend où ce que tu vas. C'est sûr que si tu vas, comme moi, tu vois, j'ai été chez Maxi, là, puis je chantais une tension dans l'air, puis la section des rouleaux de papier de toilette était vide, puis je voyais les gens, je les sentais stressés ou tendus, tu sais. Ouais, mais ils sont tendus puis stressés. Mais généralement, vibratoirement, la quantité de mouvement dans la ville a été réduite. Étant réduit, il y a une, tu le sens qu'il y a moins de mouvement, il y a moins de bruit, il y a moins de. En tout cas, moi, j'étais. Ben, toi aussi, t'étais à Black Lake. Dans le fond, c'est encore plus tranquille que chez nous, Krim. Tu devrais sentir que c'est encore plus en paix. Oui, mais pour situer les gens qui nous écoutent, on est tous les deux dans deux secteurs de la ville de Thetford Mines. C'est au sud de la région de, en fait, de la ville de Québec. Donc, c'est plus une ville type banlieue. Fait que il y a moins d'activité, mais je sais que c'est la même chose partout dans le monde. T'sais. Paris, les terrasses présentement sont vides. Les gens peuvent plus aller se rassembler dans les rues. Fait que il y a moins de bruit, puis il y a même moins de pollution en Chine. La qualité de l'air s'est améliorée dans le monde. Ben oui, puis c'est super parce que ce qu'on voit, c'est que dans le fond, maintenant que la planète est en train de sauter un petit peu, l'environnement se porte mieux, là. Tu sais, il doit y avoir une maudite gang d'animaux en ce moment dans la forêt amazonienne qui sont là, genre, ah, nice, ils ont arrêté de couper des affaires pour rien. Tu sais, des gens chinois qui ont fait, genre, enfin, j'ai besoin de me reposer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui avait des conditions de travail comme nous autres, là. Il y a bien du Non. monde là, qui avait des conditions de travail de débile mental, puis là maintenant ils sont là chez eux, puis ils se reposent. Puis oui, ils manquent un petit peu, mais moi je pense là, de pouvoir prendre des semaines et des mois pour te reposer, te lever à l'heure que tu veux, vivre selon ton courant, c'est un cadeau, là. T'sais, moi jamais j'aurais eu la chance, jamais Oui, j'aurais pensé avoir la chance de vivre un cadeau comme ça. c'est une opportunité pour vivre à son rythme plutôt que de vivre en fonction d'un rythme imposé par la société de consommation, entre autres. Ouais, puis tu penses-tu comment que le monde ne voudront pas revenir au vieux rythme après? Ben, ça dépend des gens, tu sais. Hey, crime, t'as pas idée, man. Écoute, moi, quand je fais des massages là, avec les ventouses à certaines personnes, là, au début, ils vivent un grand choc, ils trouvent ça fade, c'est douloureux, ça fait mal. Mais quand ils vivent l'expérience de plus vivre de douleur qui était pareille à ce qu'ils vivaient avant, ils veulent plus revenir là, fait qu'ils reviennent te voir parce qu'ils Oui, réalisent mais les gens l'importance. qui vont te voir, c'est qu'ils sont déjà ouverts à la base à vivre ça, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y aura pas de place pour l'ancien système. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est une crise temporaire, puis le capitalisme va se refaire un peu comme après 1929 ou la crise de 2008-2009. Impossible. Ben, il y a La eu. raison pourquoi c'est impossible, c'est qu'on n'a pas la même richesse qu'on avait dans le passé. T'sais, les gens, ils ne peuvent pas comparer la pandémie du coronavirus ou COVID-19 avec la pandémie de la grippe espagnole en 1918. C'est impossible. Parce qu'en 1918, on était pauvres. On était pauvres d'esprit, on était pauvres de ressources, on était pauvres de moyens, on était pauvres de technologie. Aujourd'hui, on est riche de ressources, riche d'argent, riche de technologie, riche de ci, riche de ça. Tellement riche qu'on ne sait plus quoi faire avec qu'on vole le monde. Fait que là, toutes les marges de débile mental sur des produits qui n'avaient pas lieu, ça va tomber. C'est un retour à l'équilibre. C'est comme un diapason est revenu au milieu. Puis il tient au milieu parce que toutes les pièces du casse-tête tiennent ensemble. Il n'y a aucune pièce des casse-têtes qui sont indépendantes l'une de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de peuple, il y a juste des humains qui fonctionnent dans une certaine structure. Puis toute la structure dépend l'une de l'autre. Donc, on ne peut pas étouffer le peuple financièrement puis penser qu'on va avoir une société. Ça va être l'anarchie. Si le peuple a trop, ça va devenir du débordement. Fait que le gouvernement puis le peuple vont devoir s'ajuster parfaitement pour que les gens dans la société contribuent d'une certaine façon, puis qu'ils soient rémunérés pour continuer à rouler, puis avancer, puis travailler, puis créer. Parce qu'il faut continuer de créer. Puis un mouvement dans la vie, c'est toujours créatif. Fait que le monde qui pense qu'il va avoir un arrêt de la société, c'est pas un arrêt de la société, c'est une évolution de la société. On n'a pas fini de grandir, là. C'est comme si on mesurait genre 3 pieds, puis on avait 7 ans, puis on disait. Moi, j'ai fini, là. Moi, j'ai tout compris dans la vie. Non, on n'a pas tout compris dans la vie, là. Il te reste encore, t'as encore des années à grandir, puis avoir ta puberté, puis devenir un adulte, puis développement complet, puis Ah avoir de la oui, barbe. ben oui, c'est sûr qu'après ça, il va y avoir d'autres développements qui vont se faire après l'intégration de l'événement de la crise là, du coronavirus, dans le sens que dans le meilleur des cas, on va monter en intelligence, puis en discernement, puis entre dans le domaine épidémiologique, la recherche va se développer à vitesse grand V, ce qui va sans doute aider ou participer à prévenir d'autres types de pandémies pour l'avenir, là. Ouais, prévenir des pandémies dans l'avenir. Tout ce qu'on pense faire ou être capable de faire, on va toujours se faire dépasser parce que la conscience humaine évolutive n'est pas suffisamment branchée avec le courant de vie, des lois de vie, de comment que ça marche la vie hors à l'extérieur du temps, puis de l'espace, puis de la matière. Ben, l'homme, il est tout pogné dans une pensée qu'il peut prévenir quelque chose. Mais essentiellement, là, tu sais, quand on dit on voudrait prévenir une autre pandémie, c'est juste parce qu'on n'est pas capable d'accepter des phénomènes évolutifs. On n'est pas capable d'accepter qu'il pourrait arriver quelque chose qui va nous faire souffrir parce qu'on haït souffrir. On n'a pas encore compris en tant que collectivité que la souffrance, c'est la seule affaire qui fait bouger l'ego puis qui le met en action pour se transformer. Fait que nous, on essaie d'arrêter la souffrance, on souffre plus, on vit des événements, on se fait encore plus blindsided parce qu'on n'est pas capable de regarder les choses puis de dire, OK, peut-être qu'il va en avoir un autre, on va faire tout ce qu'on peut pour pas que ça arrive, mais on est prêt aux possibilités d'un changement majeur. Là, tu arrives dans un événement comme ça, tu es prêt, tu es torqué, tu as de l'énergie, tu as des ressources, tu sais comment travailler avec Ben, ça, ça tu n'as fait pas partie de peur la de la mort. préparation, justement, que la personne se rehausse, puis qu'elle développe un système immunitaire plus fort, puis elle se garde en santé, puis en forme. Ça fait partie de la prévention face à une nouvelle pandémie ou un autre événement choc. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est trop confortable. Ben, en général, la société, les gens sont confortables, sont inconscients, puis ils veulent pas sortir de ça, fait qu'ils vont résister, puis ils vont essayer de justement C'est pas bloquer. qu'ils veulent pas sortir de ça, c'est qu'ils sont pas capables de sortir de ça. OK. Ça prend une forme d'initiation pour sortir du confort. Tu peux pas. Aucun ego, là, je vais te le dire tout de suite, là, aucun ego n'a la capacité dans son libre arbitre au niveau de la matière, de se donner exactement ce qu'il a de besoin. Il n'est pas capable de faire ça. Il est juste capable de faire la meilleure affaire qu'il sait. Fait que lui, il va agir d'une certaine façon, mais il ne pourra pas changer tant et aussi longtemps qu'il n'a pas vécu un choc qui va l'amener à voir différemment l'événement pour développer des nouvelles ressources pour faire face à ce genre d'événement-là. Donc, la souffrance, c'est absolument fondamental pendant une période de temps, Mais parce que moi, sinon, il ne se passe j'apporterais une rien. nuance en disant les oppositions, dans le sens quelque chose qui est Non, con. il faut que ça soit dit comme de la souffrance parce que ça fait mal dans le corps. Puis le monde, on a la misère avec ça quand ça fait mal dans le corps. Toi, t'en es le premier, man. Je t'ai poussé à la machine un peu là, au gym, là, puis ah, j'ai mal au corps. Ouais, mais c'est ça, là, sentir. Sentir, là, c'est sentir quand ton corps est dans un état d'urgence. Mais que ton mental est parfaitement clair puis parfaitement calme. Ça veut dire que ton corps, il est prêt. Il est complètement détendu, mais il est complètement prêt à réagir. Écoute, quand tu fais des combats là, avec plusieurs personnes, là, puis tu t'apprends à te faire taper dessus puis à taper sur quelqu'un d'autre, mais de façon respectueuse, dans l'équilibre, tu construis un mental puis une acuité qui est extrêmement grande. Dans ton mental, tu es complètement à l'écoute, mais ton corps réagit instantanément. Ben, c'est ça qu'il faut développer. Moi, ça fait des années que je parle de ça. J'en ai parlé avec toi. Puis le monde sont là, ouais, c'est intéressant. On pourrait faire de l'exercice. Non, tu comprends pas. Le yoga, là, c'est pas fait pour faire des hommes puis de la spiritualité. L'entraînement, c'est pas fait pour faire des gros bras puis d'être beau. Ça sert à une utilité pour la construction de la physiologie. Parce qu'on est dans le plan trois-dimensionnel. On vit dans la matière. On a besoin de travailler. On a besoin de rentrer de l'argent. Donc, il faut être créatif aussi dans la matière. Pas juste dans nos têtes puis dans notre canalisation, de faire de la voyance, puis de parler du supramental. Il faut vivre de façon intelligente nos vies matérielles pour qu'on soit dans l'abondance dans la vie matérielle, puis qu'on soit dans l'abondance dans notre mental aussi. Mais nous autres, on a de la misère à s'offrir ça parce qu'on se sent tout le temps coupable. On se sent tout le temps coupable de se sentir bien, on se sent coupable d'être de bonne humeur, tu te sens coupable d'avoir trop d'argent dans ton compte en banque. Il faut arrêter de se sentir coupable. Il faut commencer à accepter de dire, regarde, là, Chris, là, je vais faire mon possible pour être bien dans ma peau. Puis si j'ai du temps après ça, ben, je vais m'occuper des gens les plus proches de moi. Puis après ça, si j'ai plus d'énergie, je vais faire un peu plus. Mais il faut arrêter de vivre dans la culpabilité, surtout dans des temps comme aujourd'hui. Tu sais, là, c'est le pire. Ah, arrêtez les jeunes de faire des parties, vous allez contaminer tout le monde. Oui, c'est vrai, arrêtez de faire des parties, mais il va en avoir pareil. Pourquoi? Parce que tu peux pas contrôler l'homme. Tu peux pas Ben, dire à l'homme, ben, restez dans ta maison, il reste pas dans la non, maison. non, mais attends une minute. Parce que en Chine, ils l'ont fait, puis ils ont réduit la propagation du coronavirus, mais ils ont utilisé des mesures de type dictatorial. C'est-à-dire que les gens qui ne voulaient pas sortir chez eux, puis ils étaient atteints, ils les amenaient dans un fourgon en bas. Tu sais, c'était vraiment comme dans l'Allemagne nazie, ça me faisait quasiment penser à ça. Tu sais, ils vont chercher les gens, puis ils n'ont pas de mandat d'arrestation, puis ils les amènent, là, tu sais. Mais c'est normal parce que c'est la Chine. Oui, mais Toutes je. les races sur Terre sont pas, ils servent pas la même utilité, puis ils ont pas le même karma, puis ils ont pas la Non, non, mais même le je veux même dire, c'est pitou. possible d'arrêter les gens de faire des partis, etc. Tu sais, si la situation dégénère, à la limite, un gouvernement démocratique pourrait mettre en place les mesures de guerre compte tenu de l'urgence. Je ne peux pas Puis. mettre des mesures de guerre envers les Québécois parce que le peuple québécois, c'est un peuple intelligent malgré sa stupidité Ne et nous sa affolons pas, naïveté. ça s'est déjà fait si on pense à la crise dans les années 70 où Trudeau, père, avait mis en place les mesures de guerre à cause de la crise avec le FLQ. Puis, il y avait des gens, là, des extrémistes, là, qui voulaient la séparation du Québec. Puis, il était question qu'ils voulaient mettre des bombes. Puis, non, c'était, la situation était très tendue, là. Tu peux absolument pas comparer la situation de 1970 avec Trudeau puis le FLQ avec ce qui se passe présentement. Parce que ce qui se passe présentement versus le FLQ, c'est un mouvement radical, fanatique, mouvement politique. Ça veut dire qu'il y avait une opposition qui était grande entre deux courants de pensée. Mais des courants de pensée puis des concepts, politiques, ça n'a aucune instance, pis aucune puissance dans les éthers. Ça veut dire que c'est voué à s'éteindre assez rapidement. Ben, ça dépend. Le Che à Cuba, il a fait sa révolution cubaine, puis ça a marché. Oui, mais ça dépend de la quantité de conscience que tu as dans cette place-là. Si tu as beaucoup d'être conscient, tu n'auras pas ça. Si tu n'en as pas beaucoup, tu vas en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens sont portés à croire parce qu'ils n'ont pas de puissance. La puissance est remise dans les mains. Fait que ce soit les mains d'un dictateur ou les mains d'un séparatiste, ça revient au même. Les gens vont croire, vont suivre, ils vont balloter d'un à l'autre parce qu'ils n'ont pas de centre de gravité. Mais c'est fini ce temps-là aujourd'hui. Le monde, ils ont du discernement, même si on ne peut pas dire que la société, c'est une société d'être éveillé, là. C'est quand même une société, la société québécoise, pour avoir voyagé à plusieurs places dans le monde, c'est une société qui a une certaine force, une certaine capacité de se mouvoir, puis on le voit présentement dans les points de presse politiques au niveau de la province du Québec versus le Canada. Tu vois la différence de la vibration entre Legault et Justin Trudeau. Ah T'sais, oui. Legault, il fait son possible, il est à pleine capacité, selon ses moyens, pour clairement expliquer au peuple et trouver un équilibre. Trudeau, il n'a aucune idée de ce qui se passe, il fait juste répéter des textes. Fait que, au moins, il y a du monde en arrière de ça qui vont mettre des mesures en place pour que le monde puisse avoir un peu de revenus, puis avoir un break financièrement, puis être capable justement Ah de oui, ben respecter les règlements. c'est sûr que Trudeau manque de sens pratique. Ça a pris une longue période de temps avant qu'il décide de fermer les frontières puis les aéroports, là. Tu sais, ça a été long, là. Exact. Puis, tu sais, il parlait tout le temps, ah ben, ma femme a le coronavirus, mais ça va bien. Puis, tu sais, il était beaucoup dans le je me moi puis sa famille, mais il n'y avait pas un souci comme Legault d'appliquer des mesures concrètes, directes pour les citoyens, tu sais. C'est parce que le peuple québécois, là, c'est un peuple électrique, OK? C'est un peuple qui s'est débarrassé de la religion catholique. C'est un peuple qui s'est débarrassé de une certaine forme de corruption, même s'il y en a encore beaucoup. Le Québécois, il est rebelle dans sa nature. Fait que le Québécois, il va agir toujours avant tout le monde parce que c'est un petit arrogant. Mais ça prend un petit arrogant à un moment donné d'une pièce dans un groupe de personnes pour créer des chocs. Sinon, il ne se passe jamais rien. Puis le Canada, là, tout le monde est au ralenti. Tu vois, moi, j'ai regardé tous les points de presse politiques de toutes les provinces. Puis, T'as du temps je suis à obligé de perdre? dire, ben oui, j'ai pas du temps à perdre, je m'éduque. Dude, moi, j'ai du temps à l'infini. Oui, Je suis ben pas stressé de manquer de temps dans quoi que ce soit. oui, mais je dis ça pour te taquiner un peu, là. Mais c'est Ben oui. ça, je vais aller avec toi. C'est ça, t'as observé que c'était pas pareil pour les autres provinces? Non, c'est un taux vibratoire qui est différent. Si on le prend au niveau matériel, on voit qu'il y a moins d'entre-gens dans les individus, puis que c'est beaucoup plus de reculons. Quand on regarde le Québec, on est obligé de remarquer que c'est beaucoup plus proactif, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus avant le temps. Ça veut dire qu'on va aller un petit peu plus vite que les autres pour éviter que ça soit comme les autres. Fait que déjà, ça signifie que le peuple québécois, il y a une certaine voyance, puis une certaine vision de ce que ça s'en va, que les autres provinces n'ont pas. Puis, je suis obligé de dire que chaque personne, chaque ministre que j'ai entendu parler au niveau du Québec semble être parfaitement ajusté pour ce qu'il a à faire dans son département. Tu sais, j'aurais jamais cru dire ça une fois dans ma vie. Moi, la politique, ça me pue au nez, OK? Mais à l'époque, on dirait que la politique, elle n'avait pas de substance, tandis que là, elle a de la politique. Là, elle a de la substance, tu sais, dans le sens que c'est instantané avec ce qui se passe dans le monde, puis tout le monde est rassemblé devant un événement comme Oui, ben le c'est 11 septembre, mais de façon dilatée dans le temps. C'est comme si le 11 septembre, la journée des avions qui frappent, est restée collée. Puis on n'a genre jamais décollé de ça, mais là, on ne décollera pas de ça parce que c'est une autre conscience. Exactement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en situation, en gestion de crise, c'est quels sont les dirigeants qui vont se démarquer puis qui vont avoir du courage, qui vont avoir des couilles. Tu sais, On n'aura pas gros, man. ben, en tout cas, pour ce qui est de François Legault, je trouve qu'il gère ça très bien, tandis que Trudeau, lui, il est comme plus naïf ou rêveur. C'est comme pour lui, tu sais, je regardais ses points de presse, etc. Je le sentais moins présent, puis je le sentais moins dans une volonté d'agir. T'sais, il y a beaucoup de gens qui en ce moment ils ont perdu de l'argent dans le stock market, mais ils sont encore pleins aux as, puis sont stressés. Puis moi, j'ai un compte en banque bien, bien modeste, puis je suis pas stressé pantoute. Fait que ça n'a pas rapport avec les ressources que quelqu'un peut avoir en ce moment. Ça a beaucoup plus rapport avec sa capacité d'être créatif dans le changement. Il faut être capable de faire « Ah, bon, ben, je vais me recycler là-dedans. Ah, je vais faire ça. Ah, je vais arrêter d'aller m'entraîner 6 fois par semaine au gym, puis je vais commencer à juste aller marcher dehors, puis faire des push-ups dans la maison. » Puis, tu sais, je comprends, ben oui, je comprends, mais je trouve ça dommage que ça prend autant de temps aux gens avant d'être capable de relaxer. Tu sais, c'est très difficile. Tu sais, je l'ai vu, moi, dans des années de massothérapie, comment que les individus, ils ont de la misère à se laisser masser. Là, tu sais, c'est comme, il y a de la peur. Tu sais. Puis là, c'est dur de relâcher cette peur-là, puis de s'asseoir dans ton divan, puis d'être complètement bien. Tu sais, c'est genre, comment tu peux être bien de même? On se sent coupable. Tu sais. Ben non. Je ne peux pas me sentir bien, ça se peut pas. On m'a jamais dit que je pouvais me sentir bien tout seul. Oui, tu as le droit de te sentir bien tout seul, c'est correct. Mais c'est sûr qu'en lien avec la culpabilité, si on pense au Québec, le passé religieux ici, avec la religion catholique, mettait l'accent sur la culpabilité, où l'être humain était conçu comme étant un pécheur, là, tu sais, par rapport à l'histoire d'Adam et Ève, là, qui ont péché, les ancêtres ont péché, puis l'être humain serait porteur de la faute originelle. Tout le contexte religieux a amené beaucoup de culpabilité à être véhiculée consciemment au sein des gens, mais aussi inconsciemment. Puis même si les gens ont sorti de l'Église, ça ne veut pas dire que l'Église a sorti d'eux autres, dans le sens que la programmation religieuse, inconsciemment, va encore travailler beaucoup de personnes aujourd'hui. Ouais. Puis le problème avec la religion, puis peut-être qu'on va voir un changement majeur au niveau de la religion, parce que ça, on n'en parle pas, mais parce que ça semble pas être la priorité. Par contre, avec le temps, je peux pas te dire combien de temps, puis ça m'intéresse pas de toute façon, mais on va être obligé d'arrêter, premièrement, d'attribuer des valeurs au mot Dieu, parce que le problème avec la conscience humaine telle qu'on la connaît présentement dans notre société, c'est une conscience qui est réflexive. Étant réflexive, elle voit tout à partir d'elle-même. Ça veut dire que tout existe à comparer à moi. Tu sais, c'est comme, fait que si un ego utilise le mot Dieu, puis parle du mot Dieu, mais il attribue aucune valeur, puis c'est juste une vibration, mais il utilise ce mot-là pour parler de cette vibration-là, ou comme esprit, ou conscience, ou peu importe, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'es pas en train d'y attribuer une valeur qui crée une division entre toi et elle. Le problème avec les individus puis la religion, c'est que Dieu, pour eux autres, ça a des valeurs attribuées qui sont une réflexion de l'individu. Tu sais, c'est comme, c'est ce qui espoir, c'est son espoir qu'il projette là-dedans, dans une forme ou dans une autre. Puis il met toute sa foi puis toute sa confiance dans ça. Puis pour avoir ça, on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse certains sacrifices. Mais des fois, ces sacrifices-là, si tu regardes la Bible, il y a certaines affaires, tu fais, oui, ça a du sens. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens que, même s'ils se font en croire qu'ils peuvent faire ces sacrifices-là, ça leur crée de la tension intérieurement. Parce que naturellement, il n'y aurait pas la tendance, si ce n'était pas de ça, d'obéir à un certain commandement ou une certaine règle spirituelle quelconque. Fait qu'ils seraient obligés, genre, il y a certaines personnes qui vont être obligées de se faire à s'affranchir du fait que, calisse, je suis tanné de faire ça. Les églises sont fermées, je pense plus à ça, ou quelque chose comme ça. Puis d'autres personnes vont se réfugier beaucoup dans la religion, dans des moments de crise comme aujourd'hui. Puis peut-être qu'ils vont réaliser que tu pries ou non, la vie, elle arrive comme elle arrive, là. Puis ça change pas grand-chose que tu parles à Jésus ou à Non, mais l'archange c'est ça, tu Gabriel, là. sais, si tu regardes ça, l'Italie qui a été très écopée par le coronavirus, c'est un des endroits les plus pieux dans le monde parce que c'est proche de la cité du Vatican. Ouais. Donc, c'est un des endroits forts de la religion catholique, puis ils ont été très ébranlés. Fait que c'est sûr que le rempart de la foi comme protection divine face à la menace, on oublie ça, là. Ben, c'est ça, mais c'est parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens sur Terre qui sont conscients du fait que la religion, ça n'a plus vraiment d'utilité. Avec le grand respect que j'ai pour les religions, leur utilité pendant le temps, s'il y a encore des gens qui ont la foi puis ça les offusque, je m'en excuse car j'essaie pas de transformer ou de dire que rien est bon ou pas bon. Je fais juste démontrer que la religion a une certaine utilité puis cette utilité-là est en train de plus être nécessaire. Parce que quand les gens vivent des événementiels de plus en plus concrets, de plus en plus proches d'eux, ils sont obligés de s'affranchir du fait qu'ils sont seuls par rapport aux événements, malgré leur compagnie, malgré la sécurité sociale, le gouvernement, le ci, le ça. À quelque part, tout le monde sait qu'il est un petit peu tout seul. Oui, puis dans ce cas-ci, ils savent encore plus, parce que là, les gens qui sont en quarantaine, que ce soit préventif parce qu'ils reviennent de voyage ou parce qu'ils ont été infectés pendant 40 jours, pas 40 jours, excuse-moi, 14 jours, deux semaines, c'est quand même une situation qui les expose encore plus à la solitude. Ouais, puis je te dirais tant mieux parce que c'est dans cette solitude-là qu'ils vont apprendre quelque chose. Puis, hey, je vais te dire une chose, avoir le coronavirus seul chez vous, là, si tu sors de ça en pleine santé, là, t'es plus le même homme ou la même femme, là, tu sais. Puis les gens, ils voient ça, hein, tu vas être malade. Même si je deviens malade, ce que je doute à des pourcentages infimes, là, tu sais, dans le sens que j'ai même pas, ça m'inquiète même pas. Mm-hmm. Mais je suis conscient qu'il y a des gens qui ont des risques. Puis dans les gens qui ont des risques, les gens qui vont tomber malades, je dirais à tout le monde, là, soyez forts, croyez en vous, faites tout ce que vous pouvez pour vous donner votre santé, puis vous autorisez le droit d'être bien. Donc, si ça nécessite de rester chez vous, puis de rester couché pendant 2 jours, restez couché pendant 2 jours. Si vous avez besoin de faire des tisanes au miel, au citron, puis au gingembre, faites-vous ça. Si vous avez besoin de prendre des Benadryl, prenez des Benadryl, peu importe ce que vous avez besoin de faire, mais écoutez votre corps, puis donnez-y ce qu'il y a de besoin, puis vous allez passer au travers. Puis si vous ne passez pas au travers parce que vous êtes âgé ou que vous avez des problèmes de santé, faites confiance que vous n'allez pas... c'est pas fini. Là. La vie n'est pas finie. Là. Quand le corps matériel il arrête de vivre, là, il existe d'autres choses après. Là. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui ne serait pas d'accord avec ça, puis ça va être à vous de le vivre. T'sais, je ne veux pas vous convaincre, je ne veux pas... dire aux gens, c'est de même, mais dans les expériences que j'ai vécues dans ma vie, j'ai grandi avec une grande certitude que justement, même si ton corps matériel est grandement touché, la conscience perdure, puis on est au niveau dans cette conscience-là qu'on doit être, puis c'est toujours là pour nous faire grandir, puis nous faire évoluer, puis ce qui se cache derrière ça, c'est une vibration d'amour, tu sais. N'importe quelle personne qui a vécu une expérience d'infinité dans son être à cause d'un choc, à cause d'une expérience avec la drogue ou peu importe, capable de reconnaître que le core de tout ça, c'est de l'amour. Ben, la vie, la terre ne veut pas violence. Il n'y a pas de violence. Ben, ça dépend. T'sais, je veux dire, le choc peut entraîner beaucoup de souffrance. Tu en parlais même tantôt. Mais la souffrance, c'est un processus naturel. C'est inévitable. Il n'y a personne sur la terre qui est capable de s'empêcher de souffrir. Mm-hmm. Peut-être pendant 10 ans, mais à un moment donné, il y a que la vie, elle pousse. Là. C'est comme une plante qui pousse dans l'asphalte puis passe au travers. Tu sais, c'est le même principe. C'est parce que le courant de la vie, ça fonctionne de façon très, très, très, très lent comparativement à nous, nos paramètres de pensée, de réflexion. Mm-hmm. Fait qu'on a de la misère à le capter, mais quand tu le vois, tu fais « Ah, OK, c'est un courant. Tu sais, c'est comme un océan qui bouge d'une direction. » C'est toujours un mouvement qui est harmonieux. Fait qu'il n'y a pas de période de temps où une personne va mourir puis elle va être dans la souffrance totale puis elle va finir dans l'agonie des enfers. Ça n'existe pas, l'agonie des enfers. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans la religion, qui ne sont aucunement spirituels puis ont encore un petit peu dans le background là, l'agonie des enfers. Oui, mais c'est pour ça que je te disais que les gens peuvent avoir sorti de l'église physique, mais l'église n'a pas sorti d'eux, c'est-à-dire tout le conditionnement qu'ils ont connu... dans leur enfance ou par leur famille. Exactement. Puis à cause de ça, ben c'est cette culpabilité-là. D'un coup, que je ne suis pas correct, je vais aller dans les enfers. T'sais, non. Les enfers, c'est la crainte. C'est la crainte qui fait juste démontrer un doute dans l'individu. Puis le doute, il est normal parce que la personne, dans le doute, est obligée de se mettre en mouvement, est obligée d'agir, est obligée de changer ses façons de faire pour essayer de voir s'il y a de l'ordre qui peut se faire dans sa vie, puis qu'il arrête d'avoir du doute. Fait qu'on est tout le temps en train de vérifier. On vit là, dans un mode de vérification perpétuelle. On a des doutes, on essaye des affaires. Mais le problème, c'est qu'on a de la misère à comptabiliser l'information de façon objective puis arrêter le doute parce qu'on vit tous les événements avec des émotions. Mm-hmm. Fait que quand tu vis des événements comme en ce moment avec des émotions, c'est normal qu'il y ait des émotions peut-être des fois de joie puis de tristesse puis de peur puis de ci puis de ça. Mais ça, c'est pas parce qu'en ce moment, quelqu'un vit des émotions qu'il va en vivre de façon perpétuelle. À un moment donné, il va être capable d'avoir une certaine contenance de son être puis de juste sentir qu'il y a de l'espace ou il y a moins d'espace. Il y a des périodes dans la société où il y a plus de contraction, les gens sont stressés, tout le monde va vite, tout le monde est riche, tout le monde essaie de montrer qu'il est hot. Puis là, une phase comme aujourd'hui, où est-ce que tout le monde est arrêté, puis là, oh, il y a de l'espace là, tout d'un coup. Ben c'est intéressant parce que tu vois, moi, je voyais le contraire, dans le sens que pour moi, par exemple, une crise sociale et une crise économique en même temps, les deux combinés, c'est très contractant. Ça crée beaucoup de tension, tu sais. Pas contractant dans cette situation-ci parce que il y a pas, c'est pas une raison humaine. Ils peuvent pas nous dire, hey, c'est de votre faute, ma gang de Chris, là, vous avez mal hypothéqué vos maisons, puis vous aviez pas de crédit. Attends une minute, par rapport au marché à Wuhan, il a été question puis critiquer les normes sanitaires parce que l'endroit où ce que ça a parti le coronavirus. Bien, il y avait des choses qui étaient vendues, que ce soit des chauves-souris, des serpents, différents animaux à proximité d'humains. Ça n'a pas d'importance. Bien, ce qui favorisait la possibilité du transfert d'une espèce vers l'autre. Oui, mais c'est pas la première fois que ça se passe, ça. Là. C'est quoi, tu penses-tu que ça fait 2 semaines là, qu'ils ont commencé à manger toutes sortes de cochonneries? Ça fait des milliers d'années qu'ils mangent de même. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des risques associés à ça, tu sais. Il y a des risques associés à ça, mais c'est pas parce qu'il y a des risques associés à ça qu'il faut qu'on focus notre énergie sur... Ah, il y a des chauves-souris dans les marchés. On s'en fout, c'est pas important. Ouais, mais s'il y a un risque, ces bêtes-là comportent beaucoup de virus ou de bactéries qui peuvent être transférées à l'être humain, ça devient un risque sanitaire. Oui, mais c'est arrivé, c'est fini. Faut passer à autre chose. Faut être dans le présent. Le passé, ça n'a aucune importance si tu n'es pas capable d'en synthétiser de l'information. C'est ça, mais je veux dire, il y a peut-être une négligence sanitaire à l'origine de la crise actuelle. Mais c'est évident qu'il y a une négligence sanitaire. Tu pensais quoi? Moi, je suis déjà allé en Chine, je suis allé en Asie. Puis je vais te dire une chose, là. Je me demande comment que le monde ne sont pas malades 24 heures sur 24 à regarder comment ils mangent. Pas dans le sens qu'ils ne mangent pas bien, ils mangent très bien. C'est bon, la nourriture. Mais tu sais, t'as un morceau de porc là, que ça fait genre 12 heures qu'il est au soleil, puis t'as le fond cuire devant toi, puis tu te dis, Chris, je vais mourir, esti, je vais faire un empoisonnement, genre, je vais vomir mes tripes. Puis finalement, tu manges ça, puis t'as pas de problème. Tu te dis, voyons donc, c'est quoi? Il y a des mouches dessus, il y a le soleil, mais je peux manger ça. Puis eux autres, ils mangent ça. Fait que c'est comme si, c'est drôle parce qu'ils ont comme une immunité qui est vraiment particulière, puis en même temps, ils ont la capacité de pogner des maladies vraiment sévères. Tu sais, souvent en Asie, tu sais, tu vas avoir la malaria, la fièvre de dengue, l'encéphalite japonaise, l'hépatite, toutes sortes de patentes, là, les grippes typhoïdes, puis des patentes à gosse de même. Mais ils pognent une petite affaire de même comme le coronavirus. Puis c'est drôle parce que c'est juste une autre version du SRAS qui est plus évoluée, hein. Parce que le SARS là, qu'il y a eu en 2002 puis en 2003, c'est presque la même molécule, le même virus que le SARS-CoV-2 comme on a aujourd'hui. Oui, certainement, c'est un autre virus respiratoire. Exactement, puis c'est drôle parce que la respiration, ça fait paniquer les gens. T'sais. Quelqu'un qui manque de souffle, là, il va avoir tendance à faire une crise de panique, puis plus il va faire une crise de panique, plus il va manquer de souffle, puis c'est comme un effet boule de neige. Fait que faut faire attention avec ça parce que si les gens là, vivent des restrictions pulmonaires, là, il faut qu'ils aillent par en dedans puis ils font « t'as peu, okay? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je manque d'air? » Puis là, si quelqu'un a un petit peu de contact, ça va te le dire, ça va te dire « t'es correct, c'est correct, pas de problème. » Fait que tu respires lentement. Tu peux pas respirer beaucoup, mais tu respires lentement. Mais ça se peut que la personne soit étouffée par des formes, tu sais, le régime qui est très oppressant pour la société chinoise parce que c'est une dictature, le régime communiste là-bas. Tu sais, il y a un contexte aussi culturel qui est étouffant, là. Ouais, très étouffant. Mais je vais te laisser parler parce que c'est intéressant, là. Tu sais, tu vas par en dedans pour. Tu parlais de ça par rapport à la respiration, là. Ben oui, parce que tu sais, moi, mettons, quand j'étais en Thaïlande, là, les derniers jours avant que je parte, là, quand je suis arrivé à Bangkok, là, je suis arrivé à Bangkok, genre à 4 h de l'après-midi, mon vol était à 1 h du matin, fait que j'avais du temps à tuer, tu sais, puis j'étais en plein heure de pointe, là. Les rues étaient pleines. Scooters, marchés, du monde qui marche sur la rue, des chars pleins, les voies pleines, des scooters là, qui s'amassent là, aux côtés des 4 voies remplies de véhicules, là, comme des mouches là, sur un ananas là, au soleil. Tu sais, c'est genre. C'est plein. Tu sais, c'est plein. Puis la pollution est au plus haut qu'elle a jamais été depuis que je suis là, genre à 220, au lieu d'avoir un indice de qualité d'air comme ici qui est à genre 10-15. PPM, là, Ouais. partie Ouais. par million ouais, de particules. Ouais. C'est ça. Fait que là, tu respires cet air toxique-là avec la chaleur. Puis moi, je suffoquais, mais je marchais, puis je continuais de marcher. Puis j'avais 55 livres de sac sur moi. J'avais mon sac à dos dans le dos, puis j'avais ma grosse poche pour tout mon stock de matériel de Muay Thai sur le top. Puis je marchais là comme un Sherpa là, dans les Himalayas. Puis j'avais pas d'air. Tu sais, c'était comme. Même s'il n'y avait pas d'air, je fumais des tops pareil. Là, tu sais, je fumais des cigarettes. Genre, il n'y avait rien à comprendre, mais. J'étais capable de fonctionner parfaitement, me déplacer, prendre le métro, faire tout ce que j'avais à faire, même si je sentais qu'on suffoquait. Puis quand je suis arrivé en Chine, ben, on suffoquait encore. Puis quand je suis arrivé à Montréal, ben, là, mes parents ils disaient, ouais, c'était un peu pollué aujourd'hui. Je fais, tabarnak. Moi, pour moi, là, l'air en ce moment, là, c'est comme genre de la cocaïne. Parce que t'as pas respiré pendant un mois. Fait que dans le fond, c'est ça que j'essaie de dire au monde, c'est que même si tu ne respires pas à cause que tu fais de l'asthme, de la pneumonie ou le COVID-19, faut que les gens apprennent à se faire confiance, tu sais, de te coucher dans ton lit, là, puis t'as misère à respirer, puis de baisser ta panique, de ne pas rentrer dans la panique, de faire confiance que ton corps, il vit quelque chose que tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre ça. Là. Ça fait partie de ta vie. Mais on a de la misère à accepter. Là. Oh là, je vais-tu être malade, faut que j'aille à l'hôpital? Relax. Le corps, il sait quand il faut qu'il aille à l'hôpital, puis ça il crie très, très, très fort. Moi, je le sais, je l'ai vécu, j'ai été 7 fois opéré à la tête. Fait que quand tu le sais qu'il faut que tu retournes à l'hôpital, là, tu le sais pour vrai. Mais il y a bien des gens qui tombent dans la panique, qui ont besoin de se faire rassurer. Mais tu sais, c'est là que du monde comme nous autres pourrait être important, dans le sens que moi, je suis pas intéressé à rassurer des gens en détresse psychologique 24 heures sur 24, mais tu sais, les gens dans mon entourage, ou même des gens qui écoutent ça, qui voudraient des consultations là, pour parler de certaines affaires qui sont difficiles dans leur vie en ce moment. Moi, ça fait des années que je fais ça. Puis je ne me suis jamais publicisé sur Internet, mettons, comme toi, par exemple, à partir des chaînes YouTube, parce que j'aime mieux être en discussion avec quelqu'un que parler seul. T'sais. Si je parle devant les gens ou je fais des lives, il faudrait que j'aie un auditoire qui serait intéressé, premièrement, à poser certaines questions, puis qu'il y aurait une ouverture à avoir un dialogue, si on veut. Mais je suis pas capable de m'imposer comme ça. J'ai pas besoin de parler seul. T'sais. Donc, Bien, en lien avec ça, ben c'est sûr que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller de l'avant pour faire des conférences par toi-même, mais je veux dire, t'sais, est-ce que toi, tu voulais, dans le fond, laisser tes coordonnées aux gens, s'il y en a qui voudraient te consulter? ben oui, ceux qui sont dans la province de Québec, mon numéro de téléphone, c'est le 418-334-8471. Vous pouvez m'appeler ou me texter. Ben, je vais donner ton adresse, si tu me permets, là, Facebook. Que je vais mettre en bas de l'enregistrement présent pour que les gens qui sont sur Facebook puissent te rejoindre. Là, ça va être moins intrusif que par téléphone. Alors, moi, ça me dérange pas, mais dans le fond, de toute façon, il va pas avoir une vague de personnes qui vont m'appeler sur mon téléphone pour me avoir des consultations. Ben, Mais on sachez. sait jamais. On Non, sait mais tu jamais sais, parce que sachez. hier j'ai parlé avec Nathalie qui fait aussi des consultations. Puis elle me dit qu'à cause du coronavirus, il y a plus de gens qui consultent présentement. Oui, mais c'est correct, ça, tant mieux. Mais moi, je demande pas à personne de venir me voir puis de dire, ah, lui, il va me sauver. Non, moi, je veux juste avoir des entretiens. Si les gens ont vraiment des questions à poser ou qu'ils vivent des choses difficiles puis qu'ils ont besoin de parler parce qu'ils n'ont personne à qui parler dans leur environnement puis qu'ils sont capables d'avoir une conversation qui est intelligente, ce que je veux dire par intelligente, c'est qu'on est capable de se respecter, chacun s'écoute. Je pense que les personnes ou mes clients pourraient avoir beaucoup de résultats. Moi, à l'époque, c'est ce que je faisais. Je rencontrais des gens pendant 1 heure et demie, puis on parlait, puis des gens venaient me voir parce qu'il y avait du stress, parce qu'il y avait de la misère avec leur relation amoureuse, il y avait de la misère au niveau de l'exercice. Puis on avait toujours des discussions où est-ce que la personne est amenée à parler pour être capable de vraiment trouver c'est quoi ses besoins, puis en trouvant ses besoins, être capable de se satisfaire mieux, avec moins, développer plus de capacité d'adaptation dans des moments difficiles. Puis en ressortir plus fort, puis être capable d'avoir un autre step dans sa vie, tu sais. Oui, exactement, aller plus loin, tu sais, c'est une fonction d'évolution, là, sans doute. Ben oui, ça, ça devrait être mon métier, mais malheureusement, pour le moment, à cause que j'ai pas d'études universitaires, il y a pas des demandes pour des gens comme moi dans le système. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir, parce que moi, je me prétends rien pantoute, mais je sais que je peux parler avec certaines personnes puis les amener par eux-mêmes, en discutant de façon équilibrée, à avoir des choses qui vont les libérer de des lourdeurs qui n'ont pas de besoin, mais ouais. Réaliser qu'ils sont pas mal plus forts qu'ils pensent, puis qu'ils sont capables de vivre à un potentiel qui est plus haut, tu sais. Exactement, mais c'est sûr qu'en lien avec ça, pour pas créer de fausses attentes non plus par rapport aux gens, toi, est-ce que s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi, est-ce que c'est par rapport à des consultations qui sont payantes ou non? J'ai pas le choix de mettre ça payant parce que c'est pas pour des raisons que je veux faire de l'argent sur le dos du monde, pas en tout. C'est juste parce que, dû à mon expérience de vie, puis les événements que j'ai vécu, puis l'expérience que je peux avoir par rapport à certaines choses, moi, quand je travaille avec une personne qui me demande de l'aide, elle me fait travailler. Donc, cette personne-là, en me faisant travailler, il faut qu'il y ait un équilibre. S'il y a un équilibre au niveau de la parole, puis que les deux, on s'entend parfaitement, puis on devient amis, il n'y a aucune raison que je charge de l'argent à cette personne-là. Je vais juste avoir un lien de plus dans ma vie qui va être intelligent. Donc, j'adore ça. Mais si une personne est beaucoup plus à la remorque, puis elle cherche plus d'informations, puis elle te pose beaucoup de questions, puis elle demande beaucoup, bien, c'est normal que cette personne-là redonne énergétiquement un certain montant d'argent qui va dépendre de la durée de la consultation, bien sûr. Pour que ça soit équilibré. Parce que, tu sais, moi, je suis pas Mère Teresa, là, tu sais, je suis un être humain qui a souffert, qui a vécu des expériences difficiles, puis que ça lui fait plaisir de discuter puis de parler de façon gratuite quand c'est le temps puis quand que les gens le demandent. Mais si moi, il faut que je travaille pour quelqu'un d'autre puis que je lui donne la lumière que lui a pas, puis que cette personne-là soit moins à l'écoute mais beaucoup plus à la demande, ben c'est normal que cette personne-là paye. Ben oui, pour qu'il y ait un équilibre énergétique, qu'il y ait un échange pour pas... tu te dilapides de toutes tes énergies vitales, comme on dit. Ben exactement. Puis à cause, ben c'est ce que j'enseigne dans le sens que c'est ce que je démontre, c'est le respect de sa personne. Moi, quand je suis en relation avec quelqu'un ou avec un client, mon but, c'est que ses besoins soient répondus. C'est pas qu'il vive une expérience désagréable, mais faut se respecter, tu sais. Puis quelqu'un qui demande beaucoup, mais qui s'en rend pas compte pour le moment parce que son niveau de conscience lui permet pas de voir l'impact qu'il peut avoir sur l'autre, ben c'est normal qu'il y aille voir des psychologues, puis des psychiatres, toutes sortes de monde de même, puis ces gens-là, ils sont payés parce qu'il faut qu'ils travaillent, tu sais, c'est pas un cadeau, là. Oui, donc on va conclure à présent l'enregistrement, donc c'est sûr que pour les gens qui sont intéressés à entrer en contact avec toi, je le répète, je vais laisser tes coordonnées en bas de l'enregistrement présent, et comme le temps file, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour terminer? Ben non, ça a été vraiment un plaisir de te reparler après une longue absence, puis j'espère qu'on va pouvoir se discuter à distance encore une couple de fois, puis si l'auditoire en vient à avoir des questions là, par rapport à de quoi qu'on a parlé ou qu'il voudrait qu'on fasse une autre conférence, j'ai rien que ça à faire parler avec le monde, c'est ce que j'aime le plus faire, puis faut pas que le monde fasse hein, là, je parlerai pas avec lui là, d'un, tu sais, il va à YouTube. Non, ça existe pas là, ça, j'ai pas de statut, j'ai rien, je suis juste un autre gars là sur la terre là qui aime ça jaser avec du monde puis d'avoir des discussions qui sont intéressantes, fait que c'est tout là, tu sais, fait que j'ai du plaisir avec toi, j'ai du plaisir avec mon entourage. S'il y a des gens qui veulent jaser, puis ont du temps, sont sur deux maisons, puis ont rien à faire, ben let's go. Là. C'est le temps de se parler. Là. On a du temps. Hier, j'ai parlé 10 heures au téléphone. Fait que, je parle tout le temps avec du monde. Tout le monde m'appelle, puis s'il y a du monde qui veut des consultations, ça va me faire plaisir, puis on trouvera un moyen de faire tout fonctionner ça pour que ça soit équilibré. S'il y a des échanges à se faire, tant mieux. Si des paiements ou non, ou peu importe, sentez-vous libre d'appeler puis de demander vos besoins. Peu importe. Excellent. Donc, on conclut là-dessus. Écoute, je te remercie pour cet entretien et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.